corazón, mi corazón. En La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdu. Que horas son, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Bonjour à tous, vous êtes sur les ondes de Radio Guémozo. On se retrouve tous les 15 jours pour un nouveau 90 minutes pour Boomerang. Avec une équipe un petit peu réduite, aujourd'hui sur le studio, on sera avec Félicie. Bonjour à toutes et à tous. Dominique. Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est Gondino. Bonjour, chers auditeurs. Et l'ami Pascal. Oui, chers auditeurs, bonjour. Et bien sûr, nous avons... Jean-Baptiste, voilà. Merci les amis. Et l'absence de Magali, exceptionnellement, pour ce numéro. On pense bien à elle. Alors, on va commencer et ouvrir le bal avec vous trois, Pascal, Félicie, Dominique. Oui. Vous allez nous parler de théâtre. Vous avez commencé tout récemment la présentation d'une pièce que vous avez longuement répétée, qui s'appelle « Le chemin de la lisière ». Non, « Chemin de lisière ». Allez, j'ai mis trop de pronoms. Oui. Alors, on t'écoute, on vous laisse en parler. Je vais parler des infos pratiques. On la joue à nouveau à Tendon à 15h mercredi. Pour tous les auditeurs qui veulent venir nous voir, on l'a joué dimanche à Blanchemer. On a eu la chance d'avoir un temps superbe, on a eu beaucoup de public, beaucoup, je ne sais pas, mais le public qui était là était content. Ça a été apprécié par Dominique. Oui. Ah, c'est vrai, Pascal, le public le était content. Le rage a tourné autour de nous, mais on n'a pas eu droit. Oui, parce qu'il faut expliquer en fait que l'auteur, qui est l'auteur génial, Vincent de Combis, qui a écrit cette pièce. Alors Vincent de Combis, bien sûr, qui est un habitué de la radio depuis tant d'années. Oui. Aussi, il faut le préciser. Faut-il le repréciser? C'est le président de l'association Récré, Vivre et Créer à la montagne. Recré. Oui, mais soyons c'est précis. Oui, mais c'est vivre et créer à la montagne. T'as raison, Dominique. Viens devant le micro, Félicie. Oui, pardon. Oui, c'est vivre et créer à la montagne. Et ça s'appelle recréer. D'accord. Et en fait, on reparlera de Vincent, hein, il le faut. Donc mais Vincent est l'auteur. Hein, Vincent est l'auteur. Et en fait, depuis quelques années, la troupe, moi, ça fait pas longtemps que j'y suis, mais bon, apparemment, depuis quelques années... Vincent a eu l'idée géniale aussi de jouer une pièce autour du lac de Blanchemer, c'est-à-dire que on est mobile, on joue la première scène dans un endroit, on joue la deuxième dans un autre, la quatrième scène, etc. Donc on finalement fait le tour du lac avec toutes les scènes et il y a deux musiciens qui nous accompagnent, Christophe Toussaint à l'épinette et Michel Génini à la guitare et au chant. Qui conduit le public pour que le public ne se lasse pas entre les scènes. Okay. Voilà, c'est... Oui, le concept donc du théâtre de l'association Recré, c'est de faire un théâtre en mouvement, théâtre qui se déplace. Oui. Alors, quelle est l'histoire, sans dévoiler bien sûr l'intrigue, pour laisser le plaisir à ceux qui viendront vous voir, qui ne sont pas encore venus voir cette pièce, leur laisser le plaisir de découvrir l'intrigue, mais quel est en gros le synopsis de la pièce? Ça parle de quoi? Justement, je crois qu'il n'y en a pas trop. Vas-y, Dominique. On est 12 comédiens et c'est un peu comme une longue récitation poétique, surréaliste, de personnages dans une situation de post-après-guerre ou par du nucléaire. Donc vous êtes en costume. En costume, oui, qu'on s'est improvisé nous-mêmes. Mmh. Voilà, donc pour dire l'histoire, c'est un peu compliqué parce que c'est tout dans... Ça vient de l'esprit de Vincent, donc ouais. Il écrit en écriture automatique. Ouais. Les idées lui viennent d'une muse peut-être céleste. Ouais, ouais. Et... Il joue énormément avec les jeux de mots. Ouais. Je suis désolée de ne pas avoir le texte devant les yeux. Il y a des exemples. Moi, une phrase que je dis, c'est... C'était ainsi cette fissure dans les hautes mines. C'était par Castel Umberto, donc il fait référence à un village. Mm-hmm. Le rire du roc qui s'ouvrait, Vénus dorée. Ou alors, je vois que Pascal veut parler. Non, finis ta phrase, Félicie. Il y a aussi, c'est des choses qu'on ne comprend pas forcément. L'éternité s'est unie à l'infini de le. Non, l'infini s'est uni à l'infinité de la matière, éclat pur, l'or en azur, vive prière. Vous voyez, c'est toute la poésie comme ça, ouais. Mais c'est assez absurde. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est un petit peu dans quelque chose de poétique, de surréaliste ? Oui, parce que la pièce s'appelle Eldorado. Donc, c'est complètement surréaliste. Donc, c'est la suite cette pièce-là. Oui, enfin, l'Eldorado, c'est le nom de la pièce de cette suite. Mmh. L'Eldorado, pour tout le monde, ça peut être différent. Ça peut être l'amour, ça peut être trouver du travail, ça peut être sortir d'un naufrage. Il y a des migrants comme ça qui veulent sortir d'un naufrage. Enfin, j'exagère un petit peu. Mais chacun a son Eldorado à trouver. Et finalement, c'est des personnages qui cherchent l'Eldorado. Alors, ils le cherchent chacun pour eux, mais ils le cherchent aussi tous ensemble. Donc, toi, tu perçois en tout cas ton personnage dans cette pièce de cette manière-là. C'est oui, comme ça que toi, tu l'interprètes. Tous les autres, il y a la chapute des bois, c'est un espèce de chat-huant. Il y a des personnages, il y a un personnage qui mange des pierres. Enfin, il faut quand même aller chercher ça quelque part, quoi. Pascal. En fait, je vais vous dire un peu le synopsis. C'est un couple jeune qui recherche le bonheur dans les mines de l'imaginaire. Voilà, oui. Les autres aussi. Et donc, dans leur parcours, ils ont d'aventures. D'aventures, oui, de péripéties, voilà, par rapport jusqu'à trouver justement l'Eldorado. Donc, il tombe devant les usines à merde. C'est ça que je voulais savoir. Voilà, donc c'est une recherche du bonheur jusqu'à l'Eldorado. Ouais. D'accord. Bah, c'est bien en tout cas de nous planter le décor, parce que c'est vrai que je ne comprenais pas bien. Aussi. Là, tu parlais déjà plus de ton personnage. Non, et de la façon dont c'était traité. Oui, mais moi, je demandais justement premier lieu pour présenter à nos amis écoutent planter le décor, si j'ose dire, puisqu'on parle de théâtre, vraiment le synopsis de la pièce. Ségonino, tu voulais avoir une première réaction. Moi, au fur et à mesure qu'elle parlait, ça m'évoquait les anciens colons... qui ont colonisé les États-Unis. Mmh. T'es allé voir la pièce, déjà ? Non, mais ça m'évoquait comme ça. J'avais une image qui me passait dans la tête. Les colons les premiers colons qui investissaient les États-Unis, qui commençaient à les traverser, qui commençaient à parcourir, à rentrer dans... À chercher l'or. À rentrer dans un territoire inconnu, avec plein d'aventures. D'ailleurs, il y a des... C'est ça. Voilà. Tu pourrais peut-être, Dominique, nous parler aussi de ton personnage que tu interprètes dans cette histoire. Moi, c'est un personnage qui n'a... Je suis autre ou un. C'est un personnage qui intervient, qui ponctue les... Ouais. Les... Donc, tu es surtout le long de la pièce, mais d'une manière ponctuelle. Ponctuelle, oui. Un personnage qui accentue les répliques de ses... C'est-à-dire, c'est-à-dire. Par exemple, je dis, Pascal dit des verres et des pas mûrs, c'est sûr, des bizarres, vous avez dit bizarres. Oui, donc tu appuies. Oui, oui. Mais tu es présente sur scène aussi. Tu n'étais pas une voix off. Je n'ai pas un grand rôle, moi. D'accord, ok. Mais ça, ce n'est pas grave. Félicie, ce qui est important, c'est de participer et d'exister. À partir du moment où tu es sur scène, tu existes immédiatement. Ce qui est super important et ce qui est génial dans cette pièce, c'est que chaque personnage est indispensable. Mm-hmm. Chacun a vraiment sa place, je pense que caractère. Vincent a prévu ça quand il a créé la pièce. Oui, ça c'est par rapport aux 12 personnages qui font la pièce. Dès qu'il y a un personnage qui manque, ça, tout le puzzle est défait. Voilà, c'est important de le préciser. Mm-hmm. Hein. Pascal, tu voulais Oui, on peut citer des actes, en fait, comme 14-18. En fait, les jeunes, le groupe de jeunes, ils découvrent la guerre de 14-18 avec un vieux qui a fait la guerre et qui explique un peu tout ce qu'il a vécu pendant la guerre. Ouais. Il y a le radeau de la Méduse, en fait. Il y a un moment, il se retrouve... De la Méduse, pas de la Méduse. Non, de la Méduse. C'est un peu difficile. Donc, il déforme des mots existants. Ouais, ouais. Tout le temps. Donc, le propre ou non commun. C'est l'histoire, ça. Dans le radeau de la Méduse, toute l'équipe se retrouve sur un radeau à délirer. Le fleuve coule à l'envers, par exemple. Des tas de trucs complètement imaginaires. Il y a un petit côté, pardon de te couper, il y a un petit côté Boris Vian quand même, il y a un petit côté surréaliste. Quelque part, un poétique, peu, oui. C'est très surréaliste, oui. Ouais, ouais. Est-ce que lui s'est inspiré de ça? Vous lui en avez parlé? Ou c'est vraiment son propre imaginaire à Vincent? Il y a une sorte d'inspiration, c'est quand Rimbaud Warrior, c'est Rimbaud. Oui, ouais, c'est ouais, ça. Voilà. Il s'est servi un peu de puis, Rimbaud. Les chansons de Léo Ferré aussi, beaucoup, ça l'inspire. Il parle aussi des Noirs Motards, c'est une bande un peu de skin qui attaque Rimbaud, en fait, qui est... Ouais. Qui est et alors, là, il reprend donc... Un peu l'Orange Mécanique. Un peu dans le style, oui. Qui est un peu surréaliste aussi par rapport à l'époque. On a l'air moins méchant quand même. Ah, c'est pas forcément méchant, Orange Mécanique. On est plus dans la perversité, le sadisme. Oui, oui, qui est une forme aussi peut-être de violence. J'ai pas vu complet ce film. Dans la scène où il y a Rimbaud avec les Noirs Motards, je pense que Vincent défend les rêveurs et les poétiques, puisque le symbole même de la poésie, c'est quand même Rimbaud. Enfin, il y en a d'autres, mais bon, voilà. Il est rêveur. Il y a les Noirs Motards qui sont enfermés dans leur guéguerre et leur... Non, c'est pour ça. Moi, je pensais à Boris Vian, par exemple, l'écume des jours. Leur symbole mécanique. Parce que, quelque part, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu surréaliste, décalé sur les mots, sur l'univers, sur les anachronismes aussi. Ah oui, oui. Qui ne sont pas forcément des anachronismes d'époque. Hein. On peut avoir des anachronismes dans plein d'autres supports, comme les mots... Ouais, c'est qu'on dit. Les symboles qui les représentent tous, plus ou moins. Oui. Ah ouais. Qui les distingue tous, qui les différencie. Ouais, c'est vrai. C'est un peu une satire de la société. À un moment, dans leur péripétie, ils tombent devant une usine nucléaire et puis ils dénoncent l'usine nucléaire. Et puis en fait, ils combattent l'usine nucléaire avec les électrons, un peu comme Don Quichotte avec son bâton sorcier. C'est... Donc en fait, tu dis que la pièce démarre en 14-18 par là pour planter l'époque au démarrage. Elle se dirige. Est-ce que l'époque est vraiment primordiale dans l'histoire? Elle n'est pas primordiale. En fait, c'est plutôt. Elle est plantée aujourd'hui, et c'est plutôt des souvenirs du vieux en fait qui ressurgissent. Oui, parce que là tu parles du nucléaire, donc on est au-delà de 14-18 largement. Tout à fait, oui. Mais Pascal, il y a aussi le futur. C'est une pièce qui est intemporelle, mais ça peut être n'importe quand, on n'en sait rien. À la fin, on parle de 10 000 ans après une autre Terre dans les étoiles. Enfin, ça peut être n'importe quand. En fait, on peut dire qu'on ne peut pas véritablement la situer dans un espace-temps. C'est le spectateur se fait sa propre impression, en tout cas, du moment dans lequel ça se situe. C'est vrai qu'il y a une base minière quand même, en 1617. Oui. Il a exploité le monde des lutins, des sorcières, tous ces personnages-là. Donc il y a un mystère aussi qui reste, un mystère, je dirais, forestier, campagnard. Oui, mais comme tu dis, on n'est pas obligé de le situer dans une époque, cet exemple-là. Pas du tout. D'ailleurs, c'était compliqué. D'ailleurs, au niveau des déguisements, savoir comment on devait se déguiser pour jouer. Alors, on va y venir, justement. Alors, vous-même, les trois qui jouez dans la pièce. Alors, Félicie, par exemple, comment es-tu habillée? Comment te présentes-tu? Quel aspect vestimentaire as-tu? Je me suis beaucoup pris la tête parce que je suis en mineur. Enfin, en mineuse, quoi. Ouais. En mineur, je suis la femme d'un mineur. Donc, en fait, j'ai une grande jupe bleue qui est jolie, avec un tablier au-dessus, avec une poche, et une chemise de mineur qui n'a aucune forme. Tu es femme de mineur ou tu es mineur toi-même dans le personnage? Ce qui est différent. Je ne sais pas trop. Les deux jeunes travaillent dans la mine. En fait, ça démarre, ça démarre sur un couple de mineurs et puis ça part sur les mines de l'imaginaire. Mais ça démarre sur un couple de mineurs. Voilà, donc, tu es mineuse ou mineur? Alors, c'est ça. Je répète ce que tu dis. Elle pousse les wagonnets, c'était une intellectuelle. Tu pousses les wagonnets, Félicie? Non, mais il a raison. Viens devant ton micro, Félicie, s'il te plaît. Pascal a raison. À l'origine, c'est des mineurs. Et ensuite, c'est les mines. Ils vont chercher les mines de l'imaginaire. Oui. Mais le truc aussi, c'est qu'ils ont un enfant. Oui. Depuis la dernière pièce, Parce que dans la dernière pièce qui avait été écrite pour Alice Villemin... En fait, il y avait Chemin de Mineur 1, et là, c'est Chemin de Mineur 2, l'Eldorado. Chemin de Lisière. Chemin de Lisière 1, et maintenant, c'est Chemin de Lisière 2. Alors là, maintenant, ils ont un enfant. Donc forcément, l'enfant, on ne le voit plus dans l'espace de temps des mineurs. On voit un enfant de maintenant, quoi. Mmh. On l'a élevé bien ou bien clair, ouvert au cosmique, à la lumière. Les gamins de maintenant, ils sont quand même beaucoup réceptifs, hein, je sais pas, épanouis. Donc voilà, je me dis, puis tous les autres personnages sont comme ça aussi. C'est pas que des mineurs. On est des personnages qui vivent dans les disons que Vincent, époques, dans son imaginaire, vous a donné une position professionnelle, sociale, mais qui après n'est pas forcément primordiale dans l'histoire, puisque l'histoire est un peu fantastique. Puis il y a des moments, dans le texte, on n'a rien à se rattacher. Mmh. À la fin, il me fait dire le beau vélo de Ravenel, parce que il part du boléro de Ravel. Mmh. Il le chante parce qu'il doit chanter ça, c'est la chenille sur l'air du boléro de Ravel. Et moi, là, j'atterris et je suis là, le beau vélo de Ravenel. Petite anecdote, ça a été rajouté exprès parce que c'était Félicie qui avait le rôle. Parce qu'il n'existait pas dans le texte, le beau vélo de Ravenel. Il a été rajouté pendant les répétitions. Ah, ok. Moi, ça me fait rire de jouer ça, quoi. Ouais. Mm. Et toi, Dominique, quel est ton personnage et ta tenue vestimentaire? Moi, je suis... un peu anonyme, donc j'ai une tenue assez sobre, un pantalon, une chemise. Mm. Tu dois être discrète. Sauf sur les noirs motards, t'as quand même un blouson noir. Ah oui, j'ai un casque et... On est un peu limité par le nombre de personnes qui jouent, donc on a plusieurs rôles, donc c'est pour ça qu'on a plusieurs déguisements. Vous disiez, il y a 12 personnes. Oui. Il y a ces 12 rôles ou 12 acteurs? Vous jouez, il y a moins d'acteurs et il y a des acteurs qui ont plusieurs rôles, d'après ce que tu dis. Il y a des acteurs qui ont plusieurs rôles, oui. Donc, il y a combien d'acteurs en tout? On est une dizaine, une douzaine, j'ai jamais compté exactement. Donc, il y a plus que 10 rôles, alors, si vous jouez plusieurs rôles. Et vous-même, tous les trois, vous avez plusieurs rôles? C'est pas qu'il y ait plus que 10 rôles, c'est comme c'est des scénettes avec un contexte un peu différent à chaque fois, on se retrouve avec des rôles différents, donc des personnages différents. Comme Bruyère. Donc il y a des actes en fait. Oui, il y a plusieurs actes. Vincent respecte, malgré l'imaginaire et tout ce côté fantastique, la structure même d'une pièce de théâtre. Et il a même écrit une scène pour une dame qui s'appelle Bruyère, qui a un caractère bien trempé. Elle va pas m'en vouloir de dire ça à la radio, c'est un peu vrai, elle est adorable. Ah, moi, j'adore Bruyère, mais il lui a écrit une scène qui est magnifique. Je suis la Bruyère, je m'amagouille, je tourne ma soupe. Enfin, vraiment des choses. C'est Vincent, quoi. Oui, c'est l'univers. C'est l'univers de Vincent. Et toi, Pascal, ton personnage, il est. Bah, moi, j'en ai plusieurs, en fait. Personnages. J'ai un personnage de vieux qui sort de la mine, un peu excentrique. Alors, comme Félicie aussi. Oui, aussi. Il y a les noirs motards, en fait. On est l'équipe, toute une équipe de motards bagarreurs. Donc là, t'es en blouson noir. Là, on est tous en noir, oui. On n'a pas parlé aussi de la chapute des bois. Alors, c'est quoi cette chapute des bois? C'est une femme qui est un chahuant, d'accord, mais il fait un jeu de mots entre la prostituée et puis le chahuant. D'ailleurs, c'est un peu compliqué de jouer cette scène-là devant les enfants. Pourquoi? Parce que, je le dis, t'es une pute alors, en fait. Il y a des mots qui peuvent peut-être heurter. Les jeunes maintenant, ils sont quand même... C'est une nana qui est à la lisière d'un bois, à couder un arbre avec une cigarette au bec et puis un peu excentrique, un peu dénudée. Et c'est joué par Marie-Françoise, on peut citer un peu les prénoms les noms de... Donc il y a Marie-Claude Collin, Bruyère de Mange, Marie-Françoise Gessler, Jacques, je ne sais pas son nom de famille... Jacques de Busson, Pascal Fauqui, Vincent Ducombis, bien sûr, Julien Bianchetti qui fait aussi un peu donc la Julien mise en scène. Donc Julien qui fait la mise en scène, hein, oui. Voilà. Et qui joue aussi. Qui, joue qui aussi. Est de ta famille, Dominique. Josiane de... On le précise, il porte le même nom. Oui, bah voilà. Oui. Bon, voilà, c'est une histoire de famille aussi, pourquoi pas. Ouais. C'est bien justement de réunir des personnes comme ça. C'est... Enfin, ça m'a beaucoup apaisé de travailler avec lui. Avec lui, quoi. Ben voilà, donc c'est bien de le souligner. Donc on salue Julien Bianchetti pour la mise en scène. Ben oui, bonjour Julien. Alors comment ça se passe par rapport aux moyens que vous aviez, bien sûr, pour prévoir cette pièce-là. Sur quoi vous avez axé les décors? Quelque chose d'épuré ou quelque chose de fourni? Plus dans les accessoires, plus sur un fond? Plus les accessoires, puisqu'on joue dans la nature et pas dans une salle où on peut mettre tant d'accessoires. Tout dépend. Pour l'instant, on a joué en extérieur, mais on va jouer aussi en salle de théâtre. Sur scène, sur scène aussi. Sur scène, pour l'instant, on n'a pas encore joué cette pièce-là. Mais ouais, c'est très épuré quand même. C'est même pas... si vous jouez dans la nature, c'est vrai que c'est le décor naturel. Donc sur scène, après, qu'est-ce que Vincent a... et puis Julien, surtout, qui fait la mise en scène, qu'est-ce qu'ils ont prévu comme substitut par rapport à un décor sur, avec un côté court, côté jardin Oui, le placement des acteurs aussi, c'est important. Qui change. Mais je pense que ce côté épuré de décor et de tenue, tout ça, en fait, ça donne de la force à la pièce. Oui. Parce que s'il y a trop de repères... En gros, tu veux dire que les costumes en eux-mêmes, des personnages, font empreinte de décor. Oui, et je prends... Voilà, ça, c'est intéressant de le souligner. Je parle du décor, même si on est en salle, on ne peut pas avoir un décor qui change à chaque scène. Ouais. Avec l'orange du marchand, il faudrait mettre un étal avec des oranges... pour 14-18, il faudrait faire un trou d'obus. Après, on peut suggérer, on peut faire travailler l'imaginaire du spectateur aussi. C'est intéressant. C'est ce qu'on fait par l'épuration, comme disait Pascal, des décors. Ouais. Dominique Je reviens à la scène 14-18, oui. Dans laquelle je ne joue pas, mais que j'ai vu Pascal et Félicie jouer. Il y avait autour du lac de Blanchemer hier, je trouvais qu'il y avait un côté émouvant parce que la nature avait fait une tranchée dans la forêt. D'accord. Ouais. Et Vincent était au milieu de cette tranchée. Oui, donc c'était bien amené avec l'époque. Je trouve qu'il y avait quelque chose de très beau. Bon, en tout cas, vous n'avez pas été trop embêté par les orages parce qu'ils sont fort nombreux dans le coin en ce moment. Du tout. Vous avez eu cette chance à chaque fois au moment de la représentation de... En fait, il devait pleuvoir tout l'après-midi, il y a plu vers midi et ça s'est calmé juste après. Au Minot aussi, on a eu de la chance. Donc vous jouez en matinée uniquement ou aussi le soir? On joue rarement en matinée. Là, on commence à 15h. On est arrivé à 10h. Quand on dit jouer en matinée au théâtre, c'est l'après-midi. Ah, je ne sais pas. Voilà, oui. Donc c'est pour ça que je demandais. Donc vous jouez uniquement en matinée? Non, les deux. Les deux, matinée, soir. Quand on va jouer dans les pièces, dans les théâtres, justement, ce sera plus en soirée. On redonnera avec Félicie de toute façon. Elle dure combien la pièce, combien de temps? J'ai pas trop, mais je pense une heure et demie. Oui, mais bon, après, pour l'instant, on n'a pas appris toutes les scènes parce qu'on travaille depuis janvier sur cette scène-là. L'année dernière, on travaillait sur Morteville, qui était un peu plus conséquent. Là, on recommence une nouvelle pièce. Donc, petit à petit, on apprend. Donc là, on a une heure à peu près. Et là, je pense que d'ici là, on aura une demi-heure en plus. Facile. Vous faites des exercices liés au théâtre? Non. On travaille uniquement la scène. On fait pas de recherche d'improvisation. Si, on improvise beaucoup. En fait, on est totalement libre dans l'improvisation. Il y a juste les emplacements qui sont imposés. Alors, quand tu parles d'improvisation, il faut préciser au niveau des mouvements. Donc, Julien Bianchetti vous laisse une liberté de. Alors, est-ce que ça risque pas d'être le bazar, ça? Non, parce qu'en fait, moi je trouve qu'on s'améliore. C'est-à-dire, au fur et à mesure des représentations, ça s'améliore. Les gens trouvent un peu leur marque. Et puis, donc, mais on... Disons qu'il lui donne des indications quand même au niveau des emplacements, au niveau des attitudes. Oui, tout à fait. Oui. Mais après, il y a une part d'improvisation de vous-même en tant qu'acteur pour jouer sur le ton, le rôle. Oui. Sur le ton, tout ça. Des fois, c'est bien aussi d'avoir cette liberté. Des fois, on a un peu repris sur le ton qu'on a adopté, quoi. Mais quand ça va pas, on nous le dit quand même. Dit là, c'est pas terrible. Alors, je vous propose une première pause musicale et puis évidemment, on revient là-dessus. Sur cette magnifique pièce de théâtre que vous avez démarrée là récemment, tout de suite après. On va s'écouter Michel Fugain. Et oui, c'est de mise. Attention, mesdames et messieurs. Hey. messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, ke ke ke ke, na na na na na ni na na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant. Installez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez, les filles, on est vieux. Michel Fugain sur les ondes de Radio Guémozo. Attention mesdames et messieurs, et oui, la grand souvenir, la grande époque du Big Bazar. On est ensemble dans 90 minutes pour Boomerang, avec aujourd'hui une équipe un petit peu réduite. On fait un petit coucou à Magali, on pense bien à elle, elle n'est pas aujourd'hui présente. On est avec Félicie, Dominique, Segundino, Pascal et Jean-Baptiste. On parlait en première partie d'émission de la pièce de Vincent de Combis qui a démarré il y a quelques jours, on peut dire. Félicie, Dominique et Pascal, vous êtes dedans, vous jouez sur scène Chemin de Lisière. Alors peut-être redire pour ceux qui nous rejoignent, Pascal, le synopsis en quelques secondes. Oui, ben, c'est un couple de jeunes qui recherche un peu le bonheur dans les mines de l'imaginaire et qui découvre la vie sur Terre avec tous ses bienfaits et puis ses horreurs. Ouais, c'est bien résumé. Ouais. Alors, on parlait des décors avant la pause musicale, qui étaient plus axés finalement sur l'imaginaire, sur les costumes et sur ce que vous apportiez aussi autour de vos personnages. Alors, il est bien de préciser que vous l'avez joué pour l'instant uniquement en extérieur. Est-ce que c'est une pièce que Vincent a voulu véritablement pour être jouée en extérieur, comme ça peut être d'ailleurs la tradition au Théâtre du Peuple de Bussan, où il y a une partie intérieure mais une partie ouverte sur l'extérieur aussi, selon les époques et les pièces qui sont jouées là-bas? Ou est-ce qu'il l'a adapté vraiment pour que ça puisse être aussi joué avec Julien Bianchetti, pour qu'elle soit jouée aussi à l'intérieur? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? En fait, la pièce a été faite justement pour être nomade, mais elle peut se jouer aussi sur scène. Mais à l'origine, elle a été faite pour être nomade par rapport à la demande, parce que là, cette année, on joue aux Arts Mélangés, donc il y a des demandes et il a composé composé par rapport à la demande. Mais quand même, comme je disais tout à l'heure, Recré, c'est quand même une troupe qui joue un peu nomade. Oui. Les pièces, on se déplace, on reste pas. Je pense qu'on va aller à Contrex, on aura des salles en octobre, novembre, le tuyau Fraisse Bussan. Après, c'est une pièce qu'on a commencé à répéter en janvier. Donc il y a des scènes qu'on est quand même bien rodé, quoi, faut dire ce qu'il y a. Alors on va justement, j'allais venir sur la partie plus technique. Ouais. Déjà, qu'est-ce qui vous a amené dans ce projet, vous trois? C'est Félicie. Vincent, c'est la radio, c'est par c'est... la radio, c'est Félicie. C'est Vincent, Félicie. Ouais. Moi, à l'origine, c'est Vincent qui pas m'a... Pas tous en même temps, Félicie. Oui, c'est Vincent qui m'a proposé de faire du théâtre, et puis après... Tu avais déjà travaillé avec Vincent par le passé ? Non, absolument, absolument pas. Et tu avais déjà une expérience théâtrale antérieure à celle-ci ? Non, quasiment pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer ? Qu'est-ce qui t'a décidé ? C'est le texte ? C'est Vincent ? C'est Vincent, hein, sa personnalité. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? J'ai un peu de temps. Ça me plairait bien d'essayer d'apprendre des choses, parce que j'ai de plus en plus de mal à lire, moi. Donc, au lieu de tout intérioriser, j'avais envie d'intérioriser quelque chose, mais pour le montrer. Et puis, c'est Vincent qui m'avait proposé. Donc, puis après, bah, j'ai proposé à Dominique et Pascal de venir. Et puis, voilà, après, c'est les amis, l'effet boule de neige. Oui, mais faut pas croire que tout roule nickel. Il y a des fois des petits conflits. Au niveau de la construction de la pièce, quand vous avez répété, tu peux des fois, on sait pas. Moi, je sais que... Il y a pu avoir des tensions entre vous. Ça se résout toujours. Ouais. C'est pas forcément grave non plus. Je veux pas parler de ça, parce que... Tu en as parlé en tout cas. Oui, c'est un travail en commun, donc comme tout travail en commun, un travail d'équipe où il y a un brassage d'émotions et puis tout le monde n'a peut-être pas non plus la possibilité d'évoluer à la même vitesse par rapport à son rôle, par rapport à ce qu'il ressent, ce qu'il appréhende aussi, parce qu'il y a le côté trac aussi. Qu'il faut, et puis l'expérience aussi que les uns et les autres pouvaient avoir en théâtre. Donc c'est vrai que c'est des fois très dur le travail d'équipe, c'est pas toujours aussi évident. Mais l'essentiel, c'est que le projet voit le jour. Oui, surtout que... Et qu'il y a une finalité à tout ça, une concrétisation du projet. Surtout qu'à côté, il y a le théâtre du peuple qui est quand même... qui joue dans la nature aussi, mais il joue moins dans la nature que nous. Parce que nous, on est vraiment dans le vrai décor de la pièce, hein, Dominique. On est le décor de la pièce Chemin de lisière, c'est dans la forêt. Rien que dans le titre, Chemin de lisière. Pascal ? Oui, au niveau du jeu, il faut dire que c'est vrai qu'on a tous les trois démarré de zéro, mais dans l'association, il y a déjà des acteurs qui sont assez doués. Oui. Et en fait, de travailler avec des gens qui sont bien meilleurs que nous-mêmes, on a été obligé d'avancer. Bien meilleurs, ça n'engage que toi, mais en tout cas, qui ont une expérience, qu'ont peut-être pu vous conseiller, vous porter, vous encourager. Vu le niveau qu'on avait pour démarrer, ils étaient forcément bien meilleurs que nous. Nous, on partait de zéro. Je pense à Evelyne Saint-Dizier. J'ai oublié de la citer, Evelyne Saint-Dizier. Pas tous en même temps. Non, mais qui fait des ateliers écriture à Épinal. Oui. Il y a aussi Serge Pasquale. Hein, il a joué avec nous dans une scène. Ça fait des années qu'il fait du théâtre, qu'il est acteur. Donc, si j'ai bien compris, vous étiez novices tous les trois. Ah oui, moi complètement. En théâtre. Dominique aussi. Pascal aussi. Ah, complètement. Mais bon, ça n'a pas été un problème en fait. Vous avez une âme d'artiste en vous. C'est réveillé. La radio nous avait un peu aidé peut-être au début. Oui. Au niveau de la lecture, le côté se lancer. Moi, je dirais l'inverse. Je crois que c'est le théâtre qui m'a aidé dans la radio. Parce qu'avec le théâtre, on apprend à parler, à poser sa voix, parce qu'il faut qu'on nous entende. Ouais. Donc, le théâtre m'a beaucoup aidé dans la radio. Mais oui, en fait... Alors, quand vous jouez dans la nature comme ça, les spectateurs sont installés aussi dehors. Comment ça se passe au niveau de l'installation, en tout cas pour les spectateurs, les sièges ? Ils sont où, les spectateurs ? Comme on joue dans la nature, les gens sont debout. Ils sont debout autour de vous. Donc, il y a un petit côté Moyen-Âge, quoi. Tout à fait. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a deux musiciens, hein, Dominique, qui sont Christophe Toussaint, et Michel Gélini, je le reprécise. Oui, je le connais un petit peu, il est super. Et en fait, de scène en scène, nous, on avance pour se changer quand il faut ou être prêt à la bonne place sur la scène, se placer. C'est vrai qu'on a besoin... Vous avez une coulisse ? Vous avez comment ? Non, pas du tout. Tout est fait vraiment dans la nature, on suit le chemin et on s'arrête. Il y a un côté troubadour, en fait. Il y a un côté un peu Molière. Oui. Comme ça. Et donc, les deux musiciens font passer le public en les amenant tout doucement. Mais alors, ils sont allés vite. Hein. On n'a pas eu beaucoup de temps de se planter parce qu'il faut se changer quelquefois, mais il faut aussi, il faut planter la scène, il faut qu'on se plante. Qui est devant, qui est derrière Alors, quels sont les décors extérieurs ? Dominique évoquait tout à l'heure la forêt. C'est uniquement de la forêt ou ça peut être aussi une clairière, une prairie ? C'est n'importe quoi, c'est suivant le besoin en fait. On a joué au Tio une fois. sur la place de la mairie. Donc là, il y avait des bâtiments, devant il y avait de l'architecture. Devant le marché aussi. Ah oui, j'avais oublié. Donc il y a vraiment ce côté troubadour. Quoi. Dans ces petits endroits, vous avez c'est quand même du monde, il y a beaucoup de monde qui vient voir. On tourne dans l'entour. Là, on n'avait pas énormément de monde, on avait une quarantaine de personnes. Mais bon, à partir du moment. C'est déjà un bon début, c'est pas mal. Oui. L'année dernière, on avait le double au moins. Ouais. Mais c'était. Mais moi-même, s'il y a deux personnes. On joue, ouais. Ouais. Mais tu demandais, Jean-Baptiste, tout à l'heure, qu'est-ce qui était le mieux pour nous de jouer en salle ou dehors. Moi, je dirais, c'est de jouer là où on a le plus de public. Mais pour Alors moi, pourquoi je pense. C'est intéressant. Bah parce que finalement, on joue, c'est quand même pour avoir un public et le divertir. Mais je pense que le mieux, c'est quand même dans la nature, parce que Vincent organise des choses. Ça a plus de puissance. Et dans les représentations que vous avez déjà présentées, le public réagit comment? Il est différent à chaque représentation? Il réagit différemment? Qu'est-ce que vous en retirez déjà de ce que vous avez ressenti? Il y a une empathie, il y a une complicité qui se crée assez vite sur scène par rapport au public? Là, dans la pièce Dominique. Chemin de lisière, il y a oui, des chansons. Hein. Il y a des chansons qui sont reprises un peu diverses, comiques ou classiques. Et les moi, Beatles. Je pense que le public a envie de chanter avec nous. Quoi. Donc il y a presque un côté concert aussi. Oui, hein. Comédie musicale. C'est un peu. Oui, comédie musicale, concert. Tu dis que c'est mieux dehors, mais ça c'est ton avis personnel. Non, c'est mais c'est pas vraiment mon avis en fait. Laissez-vous parler les amis, sinon ça sera. Parce que l'année dernière, la plus belle représentation qu'on a faite, c'était à la médiathèque du Tio sur scène avec les éclairages qui étaient géniaux. Donc ça c'était pour Eldorado. C'était pour Morteville, oui. D'accord. Et là j'ai trouvé que c'était beau comme une crèche dans une église, tellement les éclairages étaient magnifiques. Ah, le petit Jésus, il était dans la crèche juste avant. mais ouais, c'est ton avis donc, personnel. C'était pas votre première expérience alors, finalement? En fait, ça fait 3 ans qu'on y est. Non, parce que quand je vous ai demandé tout à l'heure si c'était votre première expérience, vous m'avez dit oui. Il y a 3 ans, c'était notre première expérience. D'accord, mais c'est pas votre première pièce. Ouais. Non, c'est. En fait. Vous avez déjà un petit bagage théâtral. Un petit peu, oui. Bon. On a joué du Potcher et du Vincent de Combis. Ah, bah c'est pas mal. Belle comparaison, belle brochette, si je puis dire. C'est pas la même époque. Non, puis mais je sais que Vincent est très érudit au niveau du théâtre du peuple de Bussan. Il est très. Très impliqué. Oui, et puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce théâtre, qui connaît son histoire. Et il n'est pas vosgien, il vient du Sud. Ils ont beaucoup parlé à la télé du théâtre de Bussan il y a peut-être un mois de ça. Moi j'en ai fait partie il y a quelques années. Ils en ont beaucoup parlé comme l'un des plus beaux théâtres de France. Il est très spécial. Le plus beau. Ah oui, certes. Ah, le plus beau, je ne sais pas. En tout cas, il faut amener un coussin pour. Oui, ça, exactement. Oui. Non, mais c'est pas le plus beau. Il fait vraiment champêtre parce que c'est comme un énorme chalet. Il est tout en bois. Tu peux pas dire qu'il est aussi beau que des grands théâtres dans les grandes villes comme Paris, Metz, Nancy, Lyon où il y a des théâtres superbes. Mais là, il est tout en bois. Il est champêtre. D'ailleurs, il ne joue que l'été parce qu'il n'est pas chauffé. Donc, les représentations, c'est de juillet-août, je crois. Oui, c'est pendant la saison estivale. Et il y a la popote à côté qui, dans la partie hivernale, propose des ateliers de toutes sortes, des ateliers de lecture, des ateliers de mise en scène, des ateliers d'apprentissage de l'acteur où on travaille sur des textes. Mais en tout cas, j'y étais à l'époque de Pierre Guillois, qui en était le directeur, ça remonte déjà à plus de 10 ans. Et c'est vrai que je faisais partie vraiment, j'avais fait beaucoup d'ateliers, je faisais partie des spectacles. Bon, t'en as fait combien de temps, toi, du théâtre, Jean-Baptiste? Sur 2-3 ans à peu près. Sur 2-3 ans, j'habitais à Ventron à l'époque, c'était vraiment de l'autre côté du col du Page. Donc c'était très bien, j'ai fait de la figuration puis des petits rôles, j'ai été sur des projets aussi d'ateliers. C'était en quelle année? Aux alentours des années 2007, 2008, 2009, dans ces zones-là, il y a une dizaine d'années. Au moment où j'étais en radio d'ailleurs, professionnellement. Mais je voudrais dire un truc. On en apprend tout le temps sur le théâtre du peuple parce que j'ai vu. Oui, Félicie. J'ai vu dans un programme cette année et l'année dernière au stage théâtre rencontre professionnel amateur qu'en fait les bancs ils sont amovibles. on peut les mettre en barre pour que ça fasse un sol qui monte. Et ça, j'avais jamais su qu'il y avait ça au Théâtre du Peuple. Oui, oui, oui, mais ils ont refait la scène il y a quelques années. Elle a été entièrement démontée, reconstruite, mise aux normes, au niveau du soubassement aussi. Oui. Moi, je me souviens, dans cette époque-là, j'avais répété une pièce où je jouais dedans, là. J'avais un rôle et il y avait des bâches partout, c'était un peu compliqué. On avait répété à Gérardmer et puis après, on avait pu jouer quand même. Elle est très, très inclinée en avant, la scène du Théâtre du Peuple de Bussan, parce que comme le bâtiment est très large et très peu profond, il y a un côté très incurvé, très basculant. Alors c'est très déstabilisant, c'est le cas de le dire, quand on est sur scène au départ, parce que c'est vraiment un plan incliné. Et puis du fait qu'il y a cette nature, ce décor naturel derrière, cette clairière qui est très surélevée par rapport à la hauteur du bâtiment, ça donne ce côté un petit peu de palier successif de décors qui peut être tout à fait intéressant. Donc ça donne une profondeur au niveau du champ visuel pour le spectateur qui est tout à fait intéressante. Pascal ? Non, je voulais dire à Félicie qu'elle ne peut pas citer les stages professionnels amateurs sans expliquer ce que c'est. Tu parles de ça maintenant, il faut en parler maintenant. Alors à la popote. Ah oui, pardon. À la popote. Oui, à la popote, en fait. Qui est un petit bâtiment qui est à côté, à quelques encablures du Théâtre du Peuple de Bussan. Bah, en fait, c'est des professionnels qui nous écrivent un petit texte. On est des groupes de 8 ou 10. Par exemple, il y a 5 auteurs, ils écrivent un petit texte pour chaque groupe. Ouais. Et en 3 jours, on étudie le texte. Alors, c'est de la lecture en main. Hein. Ouais. On ne nous demande pas d'ingurgiter un texte en 3 jours, mais de le lire comme on ferait au théâtre sans le texte. Ouais. Et on rencontre plein de monde, ça c'est chouette. Et puis, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Et après, ces ateliers ne sont pas forcément d'ailleurs liés à la saison suivante, estivale, du Théâtre du Peuple de Bussan. Ah non, non. Selon les ateliers, on peut effectivement préparer peut-être un casting pour être figurant ou avoir la... Parce que je sais qu'il y a quelques années, moi, je faisais partie de la troupe des figurants. Et ce qui était intéressant, ce qu'on peut préciser dans le Théâtre du Peuple de Bussan, moi, en tout cas, à l'époque où j'étais sous la direction de Pierre Guillois, c'est qu'il y avait un mélange entre les acteurs amateurs et les acteurs professionnels. Mmh. Et c'était ça qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de distinguo entre les gens qui en vivent, qui cachetonnent, et puis nous qui étions amateurs. Mmh. Et moi, quand je suis passé plus tard professionnel, mais quelques mois avec Robert Hossein, quand j'ai bossé avec Robert Hossein, il y a 7 ans, mais alors là, sur un autre spectacle qui était sur les Hautes-Pyrénées à l'époque, un de ses grands derniers spectacles à Robert Hossein, j'ai pas tellement vu la différence avec l'ambiance que je pouvais rencontrer en tant qu'amateur au Théâtre du Peuple de Bussan. Parce qu'on était considérés comme des professionnels, on était pris en compte, on était vraiment... Pierre Guillois, en tout cas à l'époque, voulait qu'il y ait cet échange et cette équitabilité entre les professionnels et les amateurs. Ce qui nous permettait justement, nous, de vivre une expérience beaucoup, beaucoup plus théâtralisée dans l'esprit du théâtre... dit du théâtre entre guillemets classique, mais c'était pas forcément des pièces classiques, hein. C'était des pièces créatives. Oui, oui. Et Bernard Ménez à l'époque, je me souviens, j'avais été sur une saison avec Bernard Ménez. Donc c'était intéressant de rencontrer des gens comme ça et puis de travailler avec eux. Oui. Même en tant que figurant, c'est toujours une belle expérience. Oui, oui. Peut-être ce qu'on pourrait préciser, puisqu'on évoque le Théâtre du Peuple de Bussan, c'est qu'il a été créé par Potcher pour amener la culture et le théâtre aux gens populaires. Puisqu'on évoquait tout à l'heure que les théâtres parisiens, Pascal, tu faisais le comparatif avec architecturalement au niveau de la structure avec les théâtres parisiens. Alors bien sûr, il y a le poulailler, il y a les balcons, il y a tout ça, mais il y a la fosse, mais on peut pas comparer ça avec les théâtres élitistes parisiens ou même dans les grandes villes de France. Il voulait, lui, et ça c'est tout le problème qu'on évoque encore aujourd'hui, de comment amener la culture dans les couches populaires. Lui avait cette ambition-là, d'amener le théâtre pour les ouvriers, pourquoi pas, et leur amener une certaine culture à la campagne même. Et ça, je trouvais ça vraiment très ambitieux à l'époque où il a créé ça. Dominique ? C'était aussi pour sortir les gens de l'alcoolisme, parce que dans les bistrots, il y avait des bistrots tous les coins de rue. Et oui, il n'y avait pas la télé, il n'y avait que les bistrots. Oui, comme lieu d'échange. C'est vrai. C'est bien de le préciser. Ça fait combien d'années qu'il existe ce théâtre de Bussan ? Pascal, oh, une centaine d'années. Oui, hein. Oui. En fait, tu parlais de justement quand vous étiez reconnu en fait en tant qu'acteur, même pas professionnel. Mais ça s'est un peu perdu. D'ailleurs, c'est que Vincent, il était en guerre avec le théâtre du peuple. Peut-être que maintenant, moi, je vous parle de ça. Il y a plus de 10 ans. Ça, c'est dommage, mais ça s'est perdu justement. Oui. Et c'est ce que je voulais dire, moi, quand j'allais avec ma maman voir les pièces, que j'adorais voir les pièces du Théâtre du Peuple, j'y allais, j'avais le cœur plein, je sortais, j'étais ravie et tout. Mais je me suis aperçue à un moment que ça dépendait des directeurs. Ouais. Et comment ? Il y en a qui sont plus mondains par rapport aux autres. Mais ouais. Moi, ce que je trouve c'est déplorable... C'est possible, hein, Vincent a une bonne expérience, il pourrait nous le dire. Ce que je trouve un peu déplorable, c'est quand même que... ça, c'est mon idée. Coup de gueule de Félicie. Ouais, c'est un peu mon coup de gueule. Y a un directeur qui est là pour 5 ans. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Avant, il y avait une pièce par saison. Maintenant, il y en a deux. Donc, je me dis, sur les 10, enfin, sur les 5 ans plus 5 ans, ça fait 10 pièces. Mm. Il pourrait quand même introduire une... Pardon. Il pourrait introduire une pièce de Maurice Potcher quand même. Bon, en tout cas, c'est quand même lui qui a fondé le théâtre. Pascal ? Aujourd'hui, Maurice Potcher, oui, c'est bien peut-être, mais ils en parlaient, je les ai entendus en parler, ils trouvent un peu ringard de jouer du Maurice Potcher maintenant. Mais une pièce sur 10, moi je trouve que ce serait honorable. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une structure, aussi bien architecturalement parlant qu'au niveau de ce qu'elle propose, absolument unique, qui est dans les Vosges, qui se trouve au cœur des Hauts-de-Vosges, à Bussan. Et là, la saison est en pleine répétition et ils vont démarrer le mois prochain pour les 2 mois. Et on vous invite en tout cas à vous renseigner. Il y a un site internet pour réserver les places aussi. Mais on revient pour conclure cet énorme chapitre théâtral. On rappelle peut-être Félicie, Chemin de Lisière, où c'est que vous le jouez, les prochaines dates, la tournée C'est à la Cascade de Tendon. Mercredi. En fait, c'est mercredi. Mercredi, donc... C'est-à-dire dans 2 jours. Quel beau décor. On part de la petite cascade jusqu'à la grande cascade. Donc c'est un peu plus long parce que là il y a à peu près 2 km de marche entre les deux. Ouais. Donc amenez des bonnes chaussures. Voilà, oui. Bah, c'est le conseil. Alors en tout cas, on vous invite à y aller et vous faire vous-même votre idée, vos propres émotions en allant voir entre autres Pascal, Félicie et Dominique, qui jouent dans cette pièce, qui sont parmi les autres acteurs. Et si vous venez cette nous pièce voir... de Vincent, de Combi. Oui, si vous venez nous voir mercredi et qu'il ne fait pas beau, mettez votre coupe-vent et vous imaginerez que l'Eldorado, c'est le soleil. Non, non, mercredi prochain, s'il ne fait pas beau, il y a une solution de repli, on jouera en salle. Voilà, oui, c'est plus raisonnable. Bon, voilà, ça a été mûrement réfléchi. Oui, oui. Vu la saison qu'on a depuis début mai, orageuse. L'Eldorado, c'est l'abri. En France, mais aussi dans les Vosges. Ah, Dominique, l'Eldorado, c'est l'abri. Oui. Alors, on va un petit peu se déplacer, on va aller du théâtre vers le cinéma. On reste un petit peu dans le monde des acteurs et des comédiens. On va évoquer à travers un film dont j'aimerais vous présenter, parce que je ne l'ai pas vu, et qui va sortir en salle mercredi, bientôt, là, qui s'appelle « 3 jours à Quiberon ». C'est un film sur une tranche de vie très courte, sur la fin de vie de Romy Schneider. On s'écoute tout d'abord... La chanson d'Hélène avec Romy Schneider en 1970 aux côtés de Michel Piccoli, chanson pour les choses de la vie qu'elle avait interprétée, un film de Claude Sauté. On se retrouve tout de suite après sur les ondes de Radio Gémozo. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre, le soir. Les avions partiront sans nous. je ne sais plus t'aimer, Hélène. La chanson d'Hélène avec la merveilleuse, inoubliable voix de Romy Schneider aux côtés de Michel Piccoli en 1970. C'était une chanson, bien sûr, qui reprenait la musique des choses de la vie, un de ses grands films de Claude Sauté qu'elle avait fait en 1970. Tu voulais peut-être réagir sur cette musique, Félicie. Ouais, c'est magnifique, c'est adorable. Ouais. Et je me disais dans un coin de ma tête qu'elle aurait pu chanter des chansons de Gainsbourg, en fait. C'est vrai, ouais. Ouais, ça s'y prêtait bien. Ouais, ouais. Bon, après, elle n'était pas dans une carrière de chanteuse. Non, mais on sent une douceur. D'ailleurs, petite précision, c'est une chanson qui... Sa chanson n'apparaît pas dans le film, au niveau des paroles. Il y a uniquement la musique. D'accord. Qui est la musique leitmotiv du film. Mais elle n'apparaît pas du tout. C'était une chanson qui avait été faite à part sur un disque et il y avait qui était aux côtés de Michel Piccoli dans le film, bien sûr aussi. Alors, on parle de Romy Schneider à travers cette chanson pour évoquer un film qui va sortir prochainement sur les écrans, sur nos écrans. Un film de Émilie Attef qui s'appelle Trois jours à Quiberon, qui relate d'une période de vie de l'actrice Romy Schneider en 1981. Elle avait l'habitude d'aller à Quiberon tous les ans faire une cure de thalasso pour perdre du poids, pour se ressentir en forme. Et ce film relate d'une interview, donc il y a une partie véridique, après ça reste une fiction aussi bien sûr, sur cette période à Quiberon en 1981. Qui est une période triste puisqu'elle était en train de se séparer de son dernier mari, Daniel Biasini, avec qui elle a eu une fille, Sarah Biasini, qui est comédienne aujourd'hui. Et c'était aussi peu de temps après cet enfant, David, qu'elle avait eu avec Harry Mayen, un précédent mari qui malheureusement est mort tragiquement. Elle ne s'en remettra d'ailleurs jamais puisque Romy disparaîtra l'année d'après, le 29 mai 82. Donc le film est en noir et blanc pour donner cet aspect documentaire et sa spécificité, c'est que c'est une tranche de vie à Quiberon de Romy, mais Romy qui ne tourne pas en tant qu'actrice. Le personnage qui est interprété par l'actrice principale, qui est une actrice allemande qui vit en France, qui s'appelle Marie Baumer. Alors, il y a une ressemblance, effectivement, au niveau du regard, au niveau des yeux, mais il y a aussi une ressemblance et il y a aussi quelque chose qui se dégage de cette actrice qui est extraordinaire, c'est le côté émotionnel que pouvait dégager Romy. Après, évidemment, elle lui ressemble sans lui ressembler. Il y a quelque chose dans le regard, il y a quelque chose comme ça dans la gestuelle. Mais ce qui a été surtout intéressant, c'est qu'elle s'est plus empreinte des émotions, de ce que dégageait, de ce charisme. Oui, c'est le charisme. Cette lumière que pouvait dégager Romy Schneider. Ça a été une volonté d'Émiline Attef, justement, de vraiment le tourner en noir et blanc pour donner ce côté document. Mais elle précise bien que c'est un film qu'elle a fait, avec un scénario, c'est une fiction. Ce n'est pas un documentaire qui relate. Donc l'histoire se passe à Quiberon. Elle est interviewée par ce journal allemand Stein, qui est un petit peu un journal qui, on peut dire, c'est l'équivalent de Paris Match, chez nous en France. Et dans une période, dans un tronçon de sa vie qui est triste. Alors, moi, je n'ai pas vu le film, bien sûr, puisqu'il n'est pas encore sorti. Là, il va sortir. Mais en tout cas, j'ai vu des trailers différents, des bonnes annonces. J'ai regardé aussi des interviews. Puis comme je suis passionné par cette actrice, que j'aime beaucoup, Romy Schneider, pour plein de raisons liées à mon côté cinéphile, j'ai très envie d'aller le voir et j'avais envie de vous en parler, si vous en avez peut-être déjà connaissance, en tout cas de mettre un point d'honneur à ce film-là, de le défendre et d'aller le voir en salle et de vous faire votre propre opinion. Et on pourra peut-être, quand moi je l'aurai vu, en redire deux mots dans un prochain 90 minutes pour Boomerang. Je voulais savoir, vous, ce que vous en pensiez de Romy Schneider. Est-ce que vous aimiez cette actrice? Faire un tour de table rapide, adorable. Dans toute sa carrière. Félicie. J'adore. Elle a fait énormément de choses différentes. Elle n'avait jamais peur de se mouiller, quitte à y laisser un bout de peau. Mmh. Parce qu'il y a des actrices qui sont moins courageuses, qui se disent là je vais y laisser un peu des plumes. Elle a pas pensé à ça. Elle avait un côté jusque-boutiste, oui. Un côté entier, passionné. Oui, mais je la trouve mystérieuse aussi. Ouais. Pour moi, c'est un peu un mystère, Romy Schneider aussi. Qu'est-ce que t'aimes comme période de sa carrière plus ? T'aimes toutes les périodes ? Parce qu'il y a eu la période allemande avec les Sissi au tout début, dans les années 50. Ah oui, j'adore aussi. Elle était encore très très jeune, oui. Elle ne parlait pas français. Oui, y a le vieux fusil qui m'a marqué. Alors ça, c'est après, c'est un film beaucoup plus... qui est dans la partie des années 70. J'étais marquée aussi avec Philippe Noiret, Il y a eu un film qui m'a marqué aussi avec elle. Tu préfères plutôt la période en France, à partir de La Piscine ? Quand elle est rentrée avec Alain Delon en France, quand Delon l'a imposée dans La Piscine en 69. Je n'ai pas toute la chronologie, 68, mais j'aime mieux, je crois, les derniers films qu'elle a faits. Je crois que c'est... Donc toute la partie de Claude Sauté dans les années 70. Peut-être, oui. Et la Passante du Sans-Souci, tout ça ? La banquière, derniers films début 80. C'est pas mal. Parce qu'on la sent plus sensible, plus fragile. Ouais. Mais sa fragilité, ça décuple sa complexité. Mmh. Et elle fait passer la complexité des personnages là-dedans. Mmh. Et je trouve que elle met en valeur ses personnages. Enfin, moi, je pense que c'est la période là que je préfère. Ouais. Puis, Le Vieux Fusil, c'est un classique, mais... Puis si, c'est vrai qu'elle était rigolote aussi, elle était, rigolote non, mais... Plus naïve, c'était un personnage fantasme. Oui, oui. Elle a bien fait Elle était très jeune aussi, elle avait 16 ans. Oui, elle a bien fait de n'en faire que deux et de faire d'autres films après. Est-ce qu'elle n'en a pas souffert, selon toi, toute sa vie, de cette étiquette des Sissi ? Alors, parce qu'elle a quand même fait après une carrière au cinéma international, en France, mais c'était une actrice européenne, entre guillemets. Oui, je ne sais pas. Moi, j'avais vu un documentaire très intéressant, je ne me souviens plus le nom, c'était son journal, en fait. Mm-hmm. Parce qu'elle avait un journal, et quand elle a commencé à 16 ans, les Sissi, elle se disait, mais je m'en vais où ? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma maman, comment ça va se passer ? Enfin, elle tenait un journal. Et je ne sais pas si elle l'a tenu jusqu'au bout, mais j'avais vu un documentaire sur ce journal et sur cette façon qu'elle vivait. T'en parles très bien. Secondino ? J'ai écouté il n'y a pas longtemps une émission sur elle. Elle disait que c'est une femme qui n'était pas très à l'aise dans sa peau. Oui. Par rapport à cause de sa mère et à cause des liens de son père avec les néo-nazis de l'époque. C'est bien d'aborder ce sujet-là. Elle, ça l'a pas rendue heureuse de sa famille. Après, ce qui lui a apporté quelque chose au travers de ses partenaires de cinéma ou collègues, collègues de travail ou collègues artistes, c'est ici, plus ici. Et puis la place de son fils aussi, je crois qu'il y a... Ouais. Alors c'est super intéressant ce que tu dis. Il faut peut-être, pour agrémenter ce que tu dis, remettre les choses dans leur contexte. La mère de Romy Schneider, qui s'appelait Magda Schneider, a eu des amitiés avec Hitler, en tout cas, oui. Et a fait partie... a collaboré d'une certaine manière. Et le nid d'aigle, qui était la maison familiale, était vraiment très proche de Hitler, quoi. Et ça, dans ce que tu as l'air d'évoquer, et c'est vrai, c'est ce qui est dit en tout cas dans les documents qu'on peut avoir, c'est qu'elle en a un petit peu souffert toute sa vie. Puisqu'elle a commencé une carrière allemande, autrichienne, et puis ensuite elle a fait une carrière à partir... Enfin, quand Delon l'a appelée pour faire la piscine, et là, elle a eu une carrière vraiment française, où elle a fait des magnifiques films. Elle a voulu un petit peu se détacher de cette maman très, très envahissante, mais qu'elle aimait par ailleurs. Mais ce passage d'histoire compliqué dans son enfance et son adolescence, parce qu'elle était devenue française. Et d'ailleurs, le film là, que je présente, là, d'Émilie Attef, il parle justement de cette souffrance aussi qu'elle a sur la fin de sa vie par rapport au fait qu'elle ait été boudée après par l'Allemagne. Quelque part, il l'avait trahi parce qu'elle a fait après vraiment la période de sa carrière la plus fulgurante en France. Hein. Il y a un film qui est pas mal, c'est Le Mouton enragé. Oui. Ah, ouais. Je l'ai vu, effectivement, ouais. Il est bien ce film. Pascal, tu voulais nous parler aussi de Romy ? Si, si, c'est le cas de le dire. Si, justement. Non, bah, Romy, j'étais impressionné par sa beauté naturelle, qui n'était pas très, très sulfureuse, justement. C'était une beauté sage, incandescente. Ouais. Et j'ai aimé autant la période Sissi, qui était très, très enfantin quelque part. Oui. Et puis ses films après, comme Le Vieux Fusil, où elle avait des rôles beaucoup plus concrets, beaucoup plus difficiles. D'ailleurs, ça allait un peu avec sa personnalité, avec sa vie, parce que c'était quand même une personne assez perturbée, assez... Entière et passionnée, mélancolique, investie dans l'émotion constante, qui, on peut dire, c'est usé d'une certaine manière. Un peu comme Patrick Devers, d'ailleurs. Moi, j'ai toujours fait un parallèle. T'es d'accord avec moi, Pascal ? Oui, c'est des personnes. Toujours fait un parallèle entre ces deux acteurs, hommes-femmes. Je ne sais plus le titre du film, peut-être que tu me le rediras, Pascal, où Patrick Devers tape sa tête contre un capot de voiture. Peut-être coup c'est Gondino. Non, c'est un film policier. C'est pas coup de tête. Ah non, c'est pas le titre. Je crois que c'est un titre avec flic où il se tape vraiment, il se pète le front vraiment. Et quand dans la scène où Romy Schneider avec Jacques Dutronc au café, il lui dit qu'il se sépare d'elle, mais en même temps qu'il l'aime, elle pète un plomb, elle pique une crise de nerfs. Et le réalisateur disait justement qu'elle avait improvisé cet état. Elle s'était mise dans cet état d'une manière spontanée. Et la scène est très, très, très impressionnante. Cette scène avec Jacques Dutronc, justement, dans Il suffit d'aimer, où vraiment c'est très impressionnant, où elle joue une actrice un peu paumée, qui est obligée de faire un peu des films un peu glauques pour exister. Il y a Fabio Testi, c'était, je crois, une production aussi italienne. Qui était un... Fabio Testi jouait un paparazzi, un petit peu, qui la scrute, et elle est là... C'est avec Romy. Oui, avec Romy aussi, c'est un film aussi des années 70, hein, où elle a joué après des rôles beaucoup plus noirs. C'est vraiment... Il y a ce parallèle entre ces deux acteurs, je trouve, aussi, qui sont entiers, et qui se sont brûlés de leur vivant, à travers leur métier. Pour toi, Jean-Baptiste, c'est une époque un peu d'une adolescence... Où tu fantasmais un peu sur... Non, pas du tout. Ça, c'est ton interprétation. Non. Non, parce que j'aimais aussi Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, des actrices qui sont tout à fait différentes. Non, c'est surtout un cinéma, pour répondre à ta question. C'est surtout un cinéma, je vais être un petit peu entre guillemets comme Alain Delon, qui n'existe plus. Une façon de tourner avec de la pellicule, une France des années... 70, une France de Pompidou qui n'existe plus, où il y avait les brasseries parisiennes, où on fumait des clopes une derrière l'autre, où il y avait cette ambiance un peu franchouillarde, où on se retrouvait à l'île de Ré en famille, où il y avait des ruptures, des retrouvailles, des tensions. Je pense à César et Rosalie, parce qu'elle a fait beaucoup de films avec Claude Sautet dans les années 70. Et elle avait cet accent qu'elle avait gardé en parlant français, cet accent allemand qui lui donnait une singularité qui est unique. Et puis ce regard incandescent, ses yeux bleus d'acier. Et puis elle était petite de taille, mais elle dégageait tellement de charisme. Mais surtout parce qu'elle était filmée de cette manière-là aussi. Est-ce que, pour reprendre le film donc je présente « Trois jours à Quiberon » de cette réalisatrice allemande Émilie Yatef, c'est justement, elle la montre hors tournage, comme dans la rue, comme si elle était dans la rue, c'est-à-dire qu'elle est débrayée de tout projet artistique, elle est vraiment en cure, elle est en tant que Romy Schneider, Madame Tout-le-Monde, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de la voir comment elle évolue par ce biais-là. Quiberon. Mais je vous reparlerai du film. Quiberon, c'est où ça, c'est... Dans le Morbihan, la presqu'île de Quiberon. Je croyais que en Bretagne, côté Atlantique. Je croyais qu'il y avait Quiberon là-bas en Israël. La presqu'île de Quiberon, avec un Q. Je crois que c'est une ville d'Israël. Oui, c'est une station balnéaire du Morbihan, où il y a l'océan Atlantique, l'île de Noirmoutier, tout ça. Moi, j'en ai vu un avec Romy Schneider, le dernier que j'ai vu, il était bouleversant. C'est une jeune femme, en fait, qui écrit des livres. Et quelqu'un, pour lui faire du mal, un médecin, l'a persuadé qu'elle est malade, qu'elle a une maladie, qu'elle n'en a plus que pour 3-4 mois à vivre. Mmh. Et en fait, il la convainc de lui mettre un implant dans l'œil. Mmh. Le médecin lui fait prétexter qu'avec ça, ils pourront voir comment sa maladie évolue. Et en fait, c'est un truc dans l'œil pour la suivre, parce qu'elle est écrivaine, elle gagne beaucoup d'argent, elle est très connue. Donc, elle a quelque chose là. En fait, elle croit que c'est pour que voit son corps, c'est comment il évolue. Mais en fait, il la filme. Il l'espionne. Pascal. C'est une histoire d'espionnage, oui. Pardon. Tu parlais du film où Patrick Devers. Oui. C'est pas Série Noire. Voilà, Série Noire. Voilà. Je savais qu'il y avait le mot noir, mais je voulais dire le titre exact, Série Noire. Merci Pascal pour cette information, qui est un film des années 70, fin des années 70, parce que lui, il est mort à peu près comme Romy Schneider en 82. Mais j'ai toujours trouvé un parallèle entre ces deux artistes, entre ces deux acteurs. Mmh. On n'a pas trop entendu Dominique sur Romy. Moi, et puis d'une manière plus large, le cinéma. Je connais les Sissi, évidemment, que j'ai regardé à mon adolescence, qui était très frais, c'était joli. Et puis j'ai le souvenir de Romy Schneider en interview où elle était déjà à la fin de sa vie très, très écorchée. Enfin, on sentait que... Ouais. Ce que reprend le film. Ouais. Alors il y a eu une polémique récente, enfin une polémique en même temps, je me fais l'avocat du diable. Il y a Daniel Biasini, son dernier mari, et Sarah Biasini, sa fille comédienne, qui sont intervenues sur quelques médias, mais très courtement, il y a eu, je crois, en radio et sur la télé il y a quelques jours, qui ont été, eux en tout cas, ont vu le film et ont été très mal reçus. Ils l'ont connu intimement, bien sûr, en tant que femme et en tant que mère pour Sarah. Et ils l'ont. Sarah dit qu'elle a des souvenirs, parce qu'elle avait 5 ans quand elle est partie, mais elle a quand même des souvenirs, et puis surtout sa famille, tout ce qu'elle lui a raconté sur sa maman. Mais ça les a choqués. Même Daniel Biasini emploie le mot à vomir. Il est radical dans ses propos. C'est après, je respecte. Mmh. Après, je me mets aussi de leur côté. Je peux comprendre Sarah quand elle trouve. Est-ce qu'elle reproche, elle trouve qu'on met trop l'accent dans ce film sur un côté alcoolique de sa maman, qui n'était pas le cas. Elle défend la mémoire de sa maman, ce qui est un petit peu normal aussi, il faut la comprendre. Je pense aussi que ce film remue des choses. C'était le premier biopic, elle aurait peut-être préféré être consultée sur ce projet-là, or ça n'a pas été le cas. Après, ça c'est une guerre interne, peu importe. Mais en tout cas, elle, ce qui lui déplaît dans ce film-là, elle ne veut pas que les gens n'aillent pas le voir. Elle ne veut pas faire un procès. Elle dit que chacun fera son propre opinion. Mais elle explique que le côté alcoolique et le côté cigarette, le côté un peu défense, qui apparaît un peu trop dans le film, selon elle, n'est pas réel par rapport à ce que sa maman était réellement. Alors après, il y a évidemment... Comme elle a une vie romanesque, on peut dire, une vie tellement riche, une vie tellement romanesque, Romy Schneider en 42 ans d'existence, on peut effectivement, il y a eu plein de choses qui ont été écrites sur elle, mais c'est vrai qu'elle voudrait vraiment défendre la mémoire de sa mère. Elle le dit d'ailleurs, si elle avait été vraiment très alcoolisée, elle l'aurait dit, elle l'aurait assumé, elle l'aurait reconnu. Mais là, c'est pas le cas. Pour elle, c'est excessif. Et quelque part, ça dénature ce qu'était sa maman. Surtout dans le contraste du film qui est sur quelques jours, où elle n'est pas dans son rôle d'actrice, mais elle est elle-même dans la vie. Et alors elle dit c'est pas la faute à l'actrice hein, qui joue le rôle de sa mère, c'est pour elle une vision de la réalisatrice qui pour elle est quand même assez dégradante par rapport à l'image de sa mère. Bon après voilà, moi je me fais l'avocat du diable, je peux aussi comprendre Sarah Biasini parce que quelque part c'est bouleversant, il y a quand même toute sa famille qui est citée dans ce film-là, c'est normal qu'elle avait envie de défendre son point de vue et de protéger aussi peut-être la mémoire de sa maman. Alors elle espère, selon ses propos, que dans un prochain biopic sur sa mère, elle y sera mêlée, en tout cas au niveau des conseils, quand elle fera partie du projet, en tout cas au niveau du conseil. Autant faire quelque chose qui soit le plus près. Bon, après, c'est une création hein, artistique, donc il y a aussi cette part-là d'interprétation, de vision. Dominique. Moi, je suis toujours un peu gênée quand je vois des biopics, parce que on connaît le côté artistique des personnes, mais souvent on les voit comme dans La Môme, c'est un peu aussi la déchéance d'Edith Piaf. Mmh. Et, c'est bien de le préciser. Enfin, ouais. C'est des choses qui sont dures à... Oui, mais là, justement, le film que je présente, là, d'Emilie Hatef, là, qui va sortir, il ne montre pas Romy Schneider en tant qu'actrice. Il la montre vraiment en tant que femme, dans une période de sa vie où elle est en train de se séparer, où elle est dans ses drames. Et un an après, elle disparaîtra. Et donc, elle est plutôt dans une tristesse, une mélancolie, et puis en même temps dans une exaltation aussi, mais qui était un peu aussi son personnage réel. Après, comme je disais, Sarah, elle, Sarah Biasini, dans ce qu'elle ressent, c'est que l'accent est trop mis sur le côté alcoolisé, médicament, et on fait presque croire, d'après elle, son interprétation, qu'elle est dans une cure de désintoxication. Or, c'est pas vrai. Elle a bien stipulé que c'était une cure de thalassothérapie qu'elle faisait chaque année. Donc, qui n'a rien à voir. Bon, après, voilà, il y a une polémique un petit peu qui s'est créée avec ça, mais bon, après, les gens se feront leur propre chef en opinion. Dominique, tu dis qu'on voit le côté artistique des gens, qu'il y a une certaine dégradation dans tous les biopics, oui, effectivement. Mais est-ce que... Moi, je ne suis pas complètement d'accord. Non, mais il y a quand même une entrée dans l'intimité qui est forte. Devant le micro, Félicie, devant le micro. Je pense que c'est ça que Dominique veut dire. Les biopics, on rentre quand même dans l'intimité. Je ne suis pas d'accord. Pascal. Je ne suis pas d'accord. Parce que s'ils font ces émissions, c'est qu'ils ont l'accord de la personne. Sinon, ça serait du vol. Et ça ne passerait pas à la télévision. Ils ont l'accord et ils gagnent de l'argent là-dessus. Non, mais... Là, en l'occurrence, pour le projet d'Emilie Hatef qui va sortir, il n'y a pas eu l'accord de Romy Schneider, puisqu'elle est morte il y a 35 ans. Bah... Ni l'accord de la famille, puisqu'elle, elle a fait son projet avec sa libre interprétation. Je pense que si. Oui, mais elle a quand même rencontré des gens qui l'ont connue. Elle n'a pas fait ça comme ça en claquant des doigts. Mais après, effectivement, il y a eu une réaction de la fille et du père, de la fille et du mari, du dernier mari de Romy Schneider, qui a été quand même plutôt assez agressive, contre le projet. Je pense qu'il a quand même fallu quelle est l'autorisation de quelqu'un qui lui donne l'autorisation justement de filmer sur Romy Schneider. Quand on jouait à Potcher, il fallait l'autorisation des descendants de Potcher pour avoir l'autorisation de jouer. Donc à chaque fois qu'il y a un film, surtout quand il passe comme ça sur les écrans, il y a forcément l'autorisation de la famille. Bon, en tout cas, vous ferez votre propre chef en allant le voir ou pas. Et sur ce, on va peut-être passer directement à toi, Félicie, pour conclure l'émission. Oui, t'as un coup de gueule à passer sur les recherches sur Internet, parce que récemment, t'as voulu retrouver une chanson qui s'appelle Hello de Lionel Richie, et tu n'as apparemment eu du mal à la trouver sur les moteurs de recherche. En fait, qu'est-ce qui se passe, Félicie ? Dis-nous tout. Oui, c'est pas un coup de gueule. C'est un peu quand même. C'est une remarque. C'est un peu un coup de gueule quand même. Et il faut qu'on se rende compte d'une chose, en fait, je vais mettre l'accent sur des lacunes d'Internet. Parce que l'autre jour, donc je prends l'exemple pour vous amener à ces lacunes. J'étais au supermarché, je faisais mes courses et j'entends une chanson. Et je me dis, mais cette chanson-là, ça fait des années que je ne l'ai pas entendue, je l'adorais, je l'écoutais en boucle quand j'avais 12 ans. Donc ça date. Et dans mon supermarché, impossible de me rappeler le nom de l'artiste qui chantait et impossible de me rappeler le titre de la chanson. Donc c'est bien beau Internet, mais quand on veut écouter par exemple du Bachung, qu'on tape Alain Bachung, on voit ce qu'il a chanté, ou on ne sait plus la chanson de qui elle est, on met le titre de la chanson et on a l'auteur ou l'interprète. Mais là, je n'avais que la mélodie en tête. Donc, il y a une lacune d'Internet, c'est que si on n'a pas l'auteur, si on n'a pas le nom de la chanson, on est paumé, on retrouve pas. Alors Pascal veut peut-être apporter ou il n'y a aucune lacune. Pas d'accord. Il y a des applications qui sont sur les portables, c'est-à-dire que tu lances un enregistrement de ce que tu entends et ça te donne le titre, ça te donne oui, mais l'album. L'enregistrement, faut l'avoir. Écoutez-vous parler, sinon on comprendra rien. À partir du moment où tu entends un morceau, tu le fais écouter par ton téléphone et il te dira qui c'est. Et oui, tu as la même application sur, oui, sur... Si tu as le morceau, mais si tu as... Non, si tu entends... T'as une chanson dans la tête. Non, elle reconnaît la musique. Elle écoute la musique, elle la reconnaît, elle te dit le nom et l'auteur. Et il existe la même chose pour les peintures. Je confirme. Applications. Tu prends une photo et puis elle te dit c'est de qui et c'est de quoi. Donc là, elle écoute avec ton téléphone. Tu vas écouter le morceau de musique. C'est le téléphone qui écoute. Oui, mais il faut bien l'enregistrer à partir de quelque chose. Oui, si tu étais dans un magasin, tu as entendu la musique. À partir du moment où ton oreille peut entendre une musique, le téléphone, il peut l'entendre. Et donc, le téléphone, avec ton téléphone... Alors, je vais chanter à mon téléphone. Non, ça ne marche pas. Vous ne comprenez pas. C'est le problème. Il faut vous écouter. Je crois que ce que dit Pascal est vrai, puisque moi, avec ma fille, des fois, on a des musiques qui passent en radio. On ne sait pas le titre dans la voiture, par exemple. Oui. Elle branche cette application. Elle parle dans son téléphone pour demander quel est le nom de cette chanson. Ensuite, elle fait écouter au téléphone la chanson. Oui, mais elle a bien le titre de la chanson. Mais non, ça veut dire que dans la carte mémoire de l'application, il y a la chanson. Tu me laisses finir, juste s'il te plaît, Félicie. Oui, merci. De comprendre. Il y a une foultitude de titres et par numérique, il va reconnaître la musique si elle est dans la playlist de l'application. Mmh. Il la reconnaîtra et il va afficher le titre de la chanson et l'artiste. Là, je pense que pour la chanson Hello de Lionel Richie, elle doit certainement y être, hein, parce que Lionel Richie, c'est quand même un artiste connu et reconnu. Donc, quelque part, si toi, tu ne la trouves pas sur Internet, tu as cette application que décrit Pascal, qui est très vraie, que moi, j'utilise assez régulièrement, d'ailleurs. Je vais prendre un autre exemple pour vous expliquer comment je pense. Une personne âgée qui a écouté Jean Sablon toute sa jeunesse, la chanson « Vous qui passez sans me voir ». Voilà, je vais prendre l'exemple là. Cette personne âgée ne sait plus qui chantait ça et elle ne sait plus que la chanson s'appelle « Vous qui passez sans me voir ». Mais elle a la mélodie dans la tête, elle dit « Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir ». Bon, ben, elle a la mélodie dans la tête, mais c'est qui chante et c'est quelle chanson ? Personne n'arrivera à lui dire. Si personne, Internet, il pourra pas lui dire. Bah, ce qu'il y a, c'est logique. Internet, il faut un minimum d'éléments pour pouvoir retrouver. Elle y est certainement la chanson sur Internet. Oui. Mais si t'as ni l'artiste, ni le titre exact de la chanson, mais que tu as l'air dans la tête depuis des années, voilà, c'est comme une aiguille dans une meule de foin, c'est le hasard, tu ne pourras pas la retrouver. Parce que Google, c'est bête et discipliné, il faut chercher sur un moteur de recherche, il faut un élément exact d'information, et lui déduira ensuite, si tu as par exemple le titre de la chanson, si tu avais par exemple le titre de « Hello », tu tapais Hello, il y avait Lionel Richie qui s'imprimait forcément, et tu disais, après tu pouvais écouter ce qu'il y a sur YouTube, et tu te disais, c'est la chanson-là. Oui, mais si tu n'as ni l'artiste, ni le titre de la chanson, mais que tu as que l'air en tête et que tu ne l'as pas entendu en réel sur une radio pour téléphoner à la radio et dire, vous avez passé ça, je la recherche. Si tu n'as aucun élément, l'Internet ne sert à rien, il n'y a aucun élément d'appui pour te guider. C'est ce que je voulais dire dans ma chronique. Sauf l'application, elle est pareille aussi. Okay. Mais ce n'est pas un défaut d'Internet. Si tu demandais à une personne, elle ne pourrait pas te répondre non plus. Ben voilà, ça n'a rien à voir avec Internet. Parce que moi, je suis quasiment sûr, Félicie, que sur Internet, il y a quasiment tout ce qui existe. Maintenant, au bout de quand même plus de 15 ans et 20 ans que ça existe, je pense quand même, c'est moi, en musique, je cherche des trucs. Je cherche des choses des fois qui sont tordues et tout ça, je les trouve. Oui. J'arrive à les trouver. Oui, je sais, mais parce que j'ai un élément ou l'autre. Moi aussi, au départ. Trouvé. Mais si tu n'as pas d'éléments, j'ai trouvé des vieux morceaux de Rêve Parti, j'avais les éléments, j'avais Zurich 94. Oui, mais parce que tu avais une partie des éléments. Voilà, et c'est ce que je dis dans ma chronique, c'est que quand on n'a pas d'éléments, quand on n'en a pas beaucoup, c'est plus difficile. Mais Pascal, tu dis, personne ne peut te répondre non plus. Si, puisque l'autre jour, tu m'as dit que c'était la chanson Hello. T'avais de la chance que je connaissais le titre. Oui, ben voilà. Il y a toujours, et à un moment donné, si quelqu'un connaît la chanson ou le titre exact, on a un élément repère pour pouvoir le trouver. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut t'expliquer. C'est vrai qu'on n'a quand même pas beaucoup de repères. Dont ton coup de gueule n'est pas fondé, permets-moi de te le dire. Ben, ce n'est pas un coup de gueule déjà, mais je pense que Non, en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est que tu apprennes à te servir d'Internet. C'est plutôt ça le problème. Oui, ça, je l'avoue. Après, bon, ça c'est encore un autre domaine. On est tous plus ou moins habiles dans cet élément-là. Mais de toute façon, ce qui est clair et net, c'est qu'il te faut un élément exact, toi déjà, en tant que connaissance propre, pour pouvoir retrouver le reste de l'artiste ou de l'œuvre musicale. Je suis capable de retrouver sur YouTube l'artiste, telle chanson, machin, ou telle chanson. J'y arrive, mais quand j'ai qu'une mélodie dans la tête, comme l'autre jour au supermarché, je me suis dit, mais comment je vais retrouver ce que c'est, quoi. Bon, en tout cas, on a éclairci la problématique. Donc, il y a l'application. Voilà. Et puis aussi, toujours pareil, Internet est très bien fait, mais il faut que tu aies au moins un minimum d'éléments pour pouvoir retrouver ton information. Lui, ensuite, il te déduit. Alors, comme cette chanson, en tout cas, tu savais que maintenant, c'était Hello de Lionel Richie, on va se l'écouter et on conclura l'émission tout de suite après. Oui. My dreams, I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by. Lionel Richie dans Hello, proposé par notre amie Félicie. On va conclure cette émission